suis bourré. Encore un verre ou deux et je finis chez elle. Elle a trop un passé douteux pour les échelles. En amène ta dot. Vas-y monte à bord. J'aime trop son corps. Elle fait trop de cinéma, elle sait qu'elle est bonne, ils sont tous abonnés. Avec un APS dans les rues, ça y meurt, la zone on la connaît. Elle veut le buzz, l'argent du boss. Elle veut ma chancelle, je suis au 6ème étage dans l'ascenseur. Et ma nouvelle chemise vient de Sicile. Pas égo dans le carré, addition salée, mais je suis préparé. J'ai dit bouteille sur la bleue, ta mais genre, mais si t'as soif, on a trop de papier. Elle veut faire un tour dans la voiture, la coquine veut que je la baisse dedans. Les petits frères sur le deux temps, mélodie d'été, j'ai remis les gants. Oh, c'est la merde, frappe-toi vers le port. Elle veut taper la mort, elle veut que je fasse des efforts. J'ai pas de permis, je suis bourré. 6.3 single d'or, j'ai mon jojo à bord. Moi je fais plus de corps à corps et nique sa mère, je suis bourré. Encore un verre ou deux et je finis chez elle. Elle a trop un passé douteux pour les échelles. On amène ta dot. Vas-y monte à bord. J'aime trop son corps. Oh mi amor. Ce soir on sort, j'ai pris la frappe, toujours la qualité. J'ai pas de garde du corps, c'est mon poteau. J'suis quand même en sécurité. Juste un problème, faut biper. Pas de passeport d'identité. J'suis dans le Caribe et y'a le poteau qui est arrivé. J'reviens de mes c'est la merde. Frappe-toi vers le port. Elle veut taper la mort. Elle veut que je fasse des efforts. J'ai pas de permis, je suis bourré. 6.3 single d'or. J'ai mon jojo à bord. Moi je fais plus de corps à corps. Et nique sa mère, je suis bourré. Encore un verre ou deux et je finis chez elle. Elle a trop un pas.